Soyez les bienvenus à la Guinguette. Nous avons rendez-vous, me semble-t-il. Alors, tout de suite, je vous ouvre les portes. Un peu plus loin dans l'émission, je vous parlerai d'un monsieur qui s'appelle Guy Allard. Il est compositeur, il compose pour les plus grands. Nous allons d'ailleurs écouter plusieurs morceaux qu'il a composés et vous verrez qu'il a beaucoup de talent. Évidemment, je vous expliquerai un peu son parcours, je vous parlerai de lui et vous allez mieux le connaître. Quel que soit votre style préféré, eh bien vous verrez qu'il a plein de cordes à son arc, qu'il peut proposer une palette extraordinaire de rythmes différents. C'est exactement ce que nous vous proposons chaque semaine pendant 2 heures dans cette émission. Aimez l'accordéon, ne changez rien, puisque le rendez-vous à la Guinguette chaque semaine, c'est 2 heures rien que pour les passionnés d'accordéon. Et je vous propose de démarrer notre rendez-vous à la Guinguette avec Raymond Boisserie, Musette prend votre, l'enregistrement est de 1983. We'll be right back. La suite avec du bon Musette, c'est une valse enregistrée en 1961 par André Astier. Alors André Astier était compositeur et accordéoniste français bien sûr, il était né à Montluçon et le monsieur a beaucoup œuvré pour que l'accordéon se fasse une place au soleil, au panthéon des instruments. En 1960, Yvette Horner avait enregistré un titre qui lui est resté un peu ancré comme ça dans son répertoire. Ça s'appelait « Au bas d'oiseau ». C'était sur un 25 cm vinyle à l'époque. Thank you. La Java Bleue, le morceau a été écrit en 1938. C'est Vincent Scotto qui en signa la musique. Et les paroles ont été écrites par Géo Cogère et Noël Renard. Elle a été interprétée en 1939 par Fréhel. Et elle a été reprise au cinéma dans le film Une Java de Claude Orval. Voici la version de Joe Priva en 1958. La Java la plus belle, celle qui ensorcelle et que l'on danse les yeux dans les yeux au rythme joyeux. Quand les corps se confondent, comme elle au monde il n'y en a pas deux, c'est la Java bleue. Rythme joyeux, quand les corps se confondent, comme elle au monde, il n'y en a pas deux, c'est la Java bleue. Une autre Java avec Marcel Azola à l'accordéon, enregistrant en 1953 la plus batte des Javas. Thank you. Un classique de l'accordéon, Perle de cristal, enregistré en 1961 par Émile de Gauty. Ah, c'est une version tout à fait originale et tout à fait intéressante à écouter. Elle est très très très marrante, très bien. On va continuer avec Fredo Gardoni. Nous sommes en 1953 avec un mambo, le mambo de Paris numéro 1. Fredo Gardoni a commencé sa carrière en jouant de l'accordéon dans les grands bals parisiens. Dans les années 1920, il a accompagné Miss Tinguette et Maurice Chevalier, entre autres. Un domaine un peu particulier de l'accordéon, c'est évidemment le jazz, et en particulier le jazz à manouche. Alors, Joe Priva était surnommé le Gitan Blanc, et ce n'est pas pour rien. Il a régné pendant plus de 50 ans sur le balajo. Le balajo, ce n'est pas Joe Priva, contrairement à ce qu'on croit, à ce que beaucoup croient, qu'il l'a créé. Le balajo a été créé par Joe France. Joe Priva était pratiquement chez lui, évidemment, et il y rencontrait tous les plus grands musiciens manouches. Il aimait bien être entouré des musiciens manouches, et notamment bien sûr du grand Django. Voici Minor Swing, un foxtrot en 1962. Restons, si vous le voulez bien, dans le même domaine avec Gus Wieser. Il était né en Belgique, dans la province du Hainaut, à Lessines plus précisément. En 1915, il a été l'un des premiers accordéonistes de jazz. Il a formé pas mal de musiciens à sa technique, et il a été le seul d'ailleurs membre du célèbre Hot Club de France. Voici Swing Waltz en 1940. Thank you. C'est Émile Carrara qui a écrit la musique du standard Mon amant de Saint-Jean. Nous étions en 1937. Voici un enregistrement d'Émile Carrara qui date de 1941, Les yeux noirs. Retour à des temps un peu plus contemporains. Voici Corinne Bidot, elle est de Montbéliard. Voici la marche franco-suisse. Thank you. Et pour continuer, c'est Michel Pruvot qui nous propose une escale à Tahiti, et pourquoi pas. Il est né dans un petit village de la Somme qui s'appelle Villers-sur-Authy. Il a fait ses premiers pas à l'accordéon à l'âge de 8 ans. Il a déjà chaussé son instrument pour nous. Voici Bertrand Amber, Rose de Séville. Thank you. Il est né à Boulogne-sur-Mer, il a composé près de 500 titres, oui, près de 500 titres, tous enregistrés auprès de la SACEM, évidemment. Et il a enregistré 62 albums et plus de 940 titres. Voici Jean Ardoin, Fiesta del Musica. Il sillonne lui aussi les routes de France régulièrement avec son orchestre et ses musiciens. Voici Sébastien Perrin, chantons l'Espagne. Thank you. Elle a débuté l'accordéon à l'âge de 6 ans. Dorothée Loire enseigne désormais son art aux plus jeunes, puisqu'elle est professeure d'accordéon, bien sûr, dans une école de musique du nord de la France. Toujours mon amour. Avant de retrouver les compositions de Guy Allard et de parler un peu de lui, eh bien, on va parler d'amour. Mais c'est André Blot qui nous joue de l'accordéon pour ça. Thank you. Allard est notre invité, nous allons en parler. Il a commencé à s'entraîner seul sur un accordéon diatonique dès son plus jeune âge. Il est issu d'une famille de musiciens et de danseurs, alors c'est tout naturellement qu'il a suivi une formation musicale auprès de Médard Ferrero. Et parallèlement, il a pris également des cours de solfège et d'harmonie au Conservatoire international de musique à Paris. Il a toujours voulu composer, ça a toujours été pour lui une passion et ses rencontres avec les paroliers Bernard de Harbre et Marc Provence se sont révélées déterminantes dans sa décision. La collaboration de Chantal Roger est aussi un élément appréciable, non seulement pour les versions en français mais également en anglais. Avant d'écouter ses compositions, j'aimerais vous signaler et vous préciser que vous pouvez retrouver Guy Allard et son univers sur le www.guyallard.fr. C'est bon le Charleston, c'est un titre évidemment qu'il a co-signé avec Damien Poyer. Les paroles sont de Marc Provence et c'est interprété ici par Damien Poyer. C'est bon, le Charleston. Après le Charleston, un petit passo peut-être qui s'appelle « Loin de Séville ». Alors il est interprété par Christelle Jean-Blanc. La musique est signée Guy Allard et Martial Wilmain. Les paroles sont de Marc Provence et de Christelle Jean-Blanc. Un morceau donc co-signé par Guy Allard qui est notre invité aujourd'hui. « Loin de Séville » par Christelle Jean-Blanc. Thank you. Et c'est avec un tango populaire plus précisément, que nous allons continuer. Le titre a été co-signé par Guy Allard et Pierre-Alain Krummenacher. C'est avec Pierre-Alain Krummenacher à l'accordéon que nous continuons. C'est un tango populaire. Et nous pouvons continuer cette émission avec un tango, rien qu'un tango, c'est le titre, c'est interprété par Daniel Abdra et ça a été co-signé par Guy Allard et Patricia Piednoir. Les paroles sont de Marc Provence et de Guy Allard. Thank you. Votre invité du jour pour ce rendez-vous à la guinguette s'appelle Guy Allard. Il est né dans un petit village de l'Orne. À l'âge de 11 ans, il a eu son premier accordéon diatonique. Ses parents avaient un café-épicerie et les clients de ce commerce faisaient souvent appel à lui pour animer des soirées. À 15 ans, il a commencé à travailler pour la petite histoire chez un avocat et avec ses premiers salaires, il s'est acheté un accordéon chromatique. Il a la passion, et c'est lui qui le dit, de la composition, et nous allons d'ailleurs écouter une de ses compositions qui est une valse, la valse Valse Fort Chantal, c'est le titre. C'est interprété par Benny Henbel. Il a co-signé Guy Allard la musique avec Jérémy Vanreau et Betty Henbel. Voici donc Valse Fort Chantal. Alors, il est très éclectique dans ses styles musicaux, Guy Allard. Pour preuve, le titre que nous allons écouter, ça s'appelle « Viva la tarentelle ». Bon, bien sûr, vous l'avez deviné, c'est une tarentelle. Elle est interprétée par Michel Lecuyer. C'est lui qui a co-signé avec Guy Allard la musique. Les paroles sont de Marc Provence. Thank you. l'essentiel de l'activité de Guy Allard. Maintenant, c'est la composition. Et on peut dire, et c'est lui qui le dit d'ailleurs, qu'il est un homme heureux puisqu'il a la chance d'être interprété par des accordéonistes aussi nombreux que talentueux. Et nous allons terminer avec « Ton amour est une plage ». C'est un slow. Après la tarentelle, quelques minutes de repos, pourquoi pas. C'est interprété par Nicolas Devoir. La musique est de Guy Allard et de Nicolas Devoir. Les paroles sont de Marc Provence. Il y a 100 000 roses. J'entends chanter les chorales des écoles. Dès que tes doigts de tendresse soudain me frôlent. Ton amour est une plage, un envol d'oiseaux sauvages, un coup de soleil, une étincelle, mille raisons pour être heureux. Ton amour est une plage, une empreinte sur mon rivage. Rien qu'à le dire, sourire, Dieu que c'est bon entre les deux. Sauvage, un coup de soleil, une étincelle, mille raisons pour être heureux. Ton amour est une plage, une empreinte sur mon rivage. Rien qu'à le dire, j'ai le sourire, Dieu que c'est bon quand on est deux. Guy Allard était notre invité aujourd'hui. J'espère que grâce à ce rendez-vous à la guinguette du jour, eh bien, vous aurez envie d'aller en savoir un peu plus sur ce grand compositeur pour l'accordéon. Je vous invite à aller visiter son site sur le www.guyallard.fr. Vous pourrez y écouter toutes ses compositions. On va continuer cette émission avec Jean-Paul Bridoux. Il a été lui aussi l'invité de l'émission il y a quelque temps. Et c'est une de ses compositions, ça s'appelle la valse Bellancourtoise. Jean-Paul Bridoux, la valse Bellancourtoise. Alors si vous êtes fan de course hippique, il y en a, eh bien ce morceau vous est dédié puisqu'il s'appelle Accordéon tiercé. Émile Prudhomme et son orchestre arrivent à présent. Émile Prudhomme était né à Aubervilliers, dans la Seine. Il a été pendant très longtemps l'accompagnateur d'Édith Piaf. Voici Passonnette. Des enregistrements rares, des petites pépites qu'on aime bien partager avec vous dans le rendez-vous à la guinguette, comme celle qui arrive, le musicien qui arrive s'appelait Vétès Guérino, son surnom c'était Tête de Mouton, et tout à l'heure nous parlions de Django Reinhardt et de tous ces musiciens, de tous ces accordéonistes qui avaient aussi le jazz pour passion, et bien lui aussi, Guérino, a joué dans avec Django Reinhardt, avec d'autres guitaristes manouches. Alors on sait peu de choses sur lui, il a été très connu au début des années 1930 avec son orchestre musette. Son orchestre s'appelait l'orchestre de la boîte à matelots et ce fut l'un des as de l'âge d'or du musette. Le voici avec Brise napolitaine qui lui, bien sûr, ce titre est resté à la postérité de l'accordéon. Alors pour rester un petit peu dans le même état d'esprit, voici deux virtuoses de l'accordéon réunies pour ce morceau qui a pour titre Afro Musette. Il s'agit de Marcella Zola et de Richard Galliano. Et c'est avec Jacques Bolognesi que va continuer cette émission. Il est né en 1947 à Gap. C'est un artiste considéré comme de jazz. Il excelle au trombone, au piano, comme à l'accordéon. Et d'ailleurs, le voici depuis que les bals sont fermés. Depuis que les bals sont fermés, depuis Depuis que la valse est morte, je vois encore tourner, valser les galants qui me font escorte. Tous les bras qui m'ont enlacé dans un tourbillon m'emportent. Je ne peux pas vous oublier. Depuis que les balles sont fermées, valse légère, trop éphémère, vos souvenirs qui me parlaient d'amour, valse troublante, tourbillonnante, je vous entends, vous m'obsédez toujours. Depuis que les balles sont fermées, depuis que la valse est morte, je vois encore tourner, valser les galants qui me font escorte. Tous les bras qui m'ont enlacé dans un tourbillon m'emportent. Je ne peux pas vous oublier. Depuis que les balles sont fermées, valse divine, un front s'incline, puis un baiser volé plein de douceur, dans une étreinte, et son empreinte à jamais reste gravée dans mon cœur. Qui m'ont enlacé dans un tourbillon m'emporte. Je ne peux pas vous oublier. Depuis que les balles sont fermées, mais non, les balles ne sont pas fermées, la preuve, Maurice Larchange nous joue samedi soir, c'est la fiesta. Samedi soir, c'est la fiesta, on se retrouve tous chez Lolita, les filles attendent le Roméo sur un air de passo, s'élance sur la piste, c'est fantastique. Samedi soir, c'est la fiesta, on se retrouve tous chez Lolita. Quelques pas suffisent pour que les comptes s'enlisent. La sangria coule à flot, il y en a à Bogo. Samedi soir, c'est la fiesta, on se retrouve tous chez Lolita. Dans cette bodega espagnole, on danse le passo d'or jusqu'au lever du soleil, quelle merveille. Samedi soir, c'est la fiesta, à mes amis, quel corps. flot, il y en a à gogo. Et vous voyez que les balles ne sont pas fermées puisque Michel Pruvot vous emmène à valser la nuit. L'accordéon, bien sûr, c'est s'adapter à tous les styles musicaux. La preuve, voici Jean Ardoin et son orchestre et un medley disco. Thank you. On va retrouver à présent Aimable, un grand accordéoniste évidemment, avec un extrait d'un de ses albums qui s'appelait Succès Increvable, et dedans il y avait une piste bonus, un bonus track comme on dit, et ça s'appelait Mon amant de Saint-Jean. Perdre la tête, serré par des bras audacieux, car l'on croit toujours au doux mon amour quand ils sont dits avec les yeux. Elle qu'il aimait tant, elle le trouvait le plus beau de Saint-Jean, et restait grisé sans volonté sous ses baisers. Est arrivée l'heure pour la guinguette de refermer ses portes. J'espère que vous avez passé un très agréable moment au son de l'accordéon. Je vous souhaite tout le bonheur du monde. Et vive l'accordéon !